Est-ce que prendrais-tu un peu de bulle? Mais c'est toujours le fun de prendre ben une bulle. Oui. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Sur l'île de Montréal, le mercure joue au yo-yo. Tout est gris, sauf dans le salon de cette petite rue. Par la fenêtre, on aperçoit un scintillant sapin. Sur la fameuse table rapportée de l'inoubliable voyage à Marrakech, deux flûtes de mousseux et toujours un bol de chips. Cet après-midi, Anne réserve une surprise pour Marc. Toi, Marc, c'est comme moi, c'est comme n'importe qui. J'imagine que ça t'arrive d'être angoissé. Ben oui. T'as été en Inde, t'as dû faire de la méditation, Non, t'as pas fait de méditation. Non, ben, je veux dire, j'étais pas là pour ça. Puis j'ai pas de façon formelle fait de la méditation. Ma mère fait de la méditation. Ah oui? Oui, oui, tous les jours. T'as jamais senti le besoin de faire du yoga ou... Oh, ben oui, j'en ai fait pour savoir c'était quoi. Puis genre, le yoga, oui, mais... Pas dans le but ultime de méditer ou d'apprendre à respirer. D'apprendre à te calmer. Parce que t'es déjà quelqu'un de centré. Mais sais-tu quoi? Non. J'ai apporté. Ouais. Je vais te montrer à tricoter, Marc. Ah. Parce que le tricot, c'est un art qui se perd. Oui, non, c'est sûr. Et moi, quand la neige commence à tomber, quand l'hiver arrive, me revient une envie de tricoter. Oui. Mmh. Ben, j'ai pas le temps. Tu vois, ici, j'ai deux balles que j'avais achetées l'an dernier. Je voulais tricoter des chaussettes à mon garçon, puis ils sont encore neufs. Il s'est rien passé. Donc, je les ai rapportées. Ouais. Puis, je t'ai rapporté un petit tricot. Parce que tu sais que le tricot est surnommé le nouveau yoga. J'ai trouvé un article là-dessus. Ah, ben. Mais... Hey. Alors, yoguer. Oui. Ou tricoter réduit le stress, l'anxiété, les douleurs chroniques et la dépression. Mon père tricotait. Mon père. C'est vrai? Mon père a tricoté longtemps. Puis t'as pas voulu qu'il te montre à tricoter? Ça t'intéressait pas? Ben, je sais pas. T'attendais que je le fasse? Ben, j'attendais peut-être, un moment. Mais ben, c'est ça. Plus là, t'auras propice, pas le choix. T'es comme pris. Et c'est Dominique Michel qui a montré à tricoter. Non! En tournée, oui. Mais. C'est bien charmant. Oui, fait que tout le monde sortait après le show qu'ils jouaient ensemble, puis ils allaient manger au resto. Fait, ce qui n'était pas le cas de mon père ni Dominique. Fait qu'eux, ils rentraient au motel, puis là, ils s'installaient dans la chambre. Il ouvre la télé, puis mais c'est tellement plus sain, Marc. Parce que là, tu bois pas, t'as pas d'alcool. Tu bois ton petit verre d'eau, t'as les mains occupées de toute façon. Tu peux pas boire de l'eau, tu peux pas rien faire. C'est tu plate tricotes. Un peu. Non, c'est pas si plate. Tricoter active les mêmes zones du cerveau que méditer. Wow. Ils disent. Tricoter nous ramène pleinement dans le moment présent. Essayez donc de faire votre liste de courses ou de penser à solutionner un dossier du boulot en tricotant. Ouais, ça, c'est pas possible. Ben de non, faire c'est ça, pas possible. Puis ils disent. Ils disent. Le tricot est un miroir. Ben, c'est un article écrit par Maman Yoga. Créer, relaxer. Et Maman Yoga, s'il y en a une qui s'y connaît en tricot, c'est bien elle. Ouais. Elle dit aussi le tricot est un miroir très intéressant de nos tendances. Certaines personnes tricotent serrées, d'autres plus larges. Ah oui, il y en a qui sont plus évasées, puis ben il y en a qui sont plus stretch. Révélant ainsi un aspect plus contrôlant ou plus apte au lâcher-prise. Ah oui. Puis même les deux sont bons. Tu peux tricoter serré à certains moments de ta vie. Mm-hmm. 6 mois plus tard, t'es libéré de quelque chose. Tu tricotes plus slack. Tricotes lousse, oui. Tu veux, Ça prend quand même... Ça prend, Marc. Oui, mais tu sais que moi, quand les enfants étaient petits... Il y a un cerveau pour tricot, puis il y a un cerveau pour pas tricot, non? Ça s'apprend. Mm. Ben, en fait, c'est sûr que... J'allais donner l'exemple de mes enfants à qui s'étaient rassemblés à un moment donné quand ils étaient petits. Ma fille avec une de ses amies, une petite voisine, puis mon fils, je leur donnais des cours de tricot parce que j'avais peur que ça se perde. Je me disais, c'est tellement fun le tricot quand tu as une petite angoisse. Et puis ça a duré 2 semaines, puis après ça, ils ont abandonné. Mais c'est pas grave. J'ai parti un petit tricot pour toi parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus plate, là. Monter les mailles au début. Parce qu'après, je te le montrerai fun, une autre fois. Ben après, c'est vraiment plus fun. Le fun après. Hein? Alors, bon. Ça a l'air bien le fun. C'est vrai que mais quand oui, regarde, tu vois, regarde, c'est fin. Mais oui, ça a l'air le fun. Alors, moi, tu vois, c'est un petit peu plus plate, moi, parce que mes aiguilles sont vraiment plus fines, tu Pourquoi? Vois, là? Mais parce que ma laine est plus fine, puis c'était pour tricoter des chaussettes. Ah oui. Alors là, regarde bien, Marc. Oui, j'ai bien du fun, là. Mais non, mais tu vas en avoir. Mais oui. Cesse. Non, mais on dirait que t'es réticent. Non. Ça, là, si t'arrives à aimer ça, comme je pense que tu peux aimer ça. Ah, si tu veux, tu peux, Marc. Ah, si tu veux pas, tu pourras pas. Non, je ne vais pas me fermer, mais... Mais non, mais ferme-toi pas. Il y a plein d'affaires. Ben non. Ça, non, mais pense aux longues soirées d'hiver dans un chalet. Oui, les routes sont fermées. Il y a eu un accident, il y a une tempête. Ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas d'électricité, tu as juste un petit fanal de merde. Oh, je vais... Il fait frette. J'ai bien des idées qui me viennent. Tu es tout seul, puis tu n'as plus rien à manger. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais du fun. Ben, c'est ça. Tu sors ton tricot? Oh oui, tu vas voir. Alors, regarde, tu piques. Qu'est-ce que je fais? La main droite. La main droite. prends ton aiguille tout nu. Ouais. Tu piques dans la première maille ici, en dessous de ton autre baguette. Ouais. Tu passes ton fil ici avec la main droite, entre le pouce et l'index. Attends une minute. Avec la main droite. Un pouce, l'index. Okay. Regarde. Je vais mettre du même côté que toi. Ça, ça va être plus facile. Ça a l'air compliqué. C'est plate. Non. Mais là, écoute, ça prend des efforts. Hein, pour apprendre des choses, là, ça peut pas être facile du premier coup. C'est plate. Oh, mon Dieu. Regarde, tu vois, c'est même pas pratique. Mais non, mais ça, tout est dangereux quand tu te déplaces avec ça dans les mains. Oh, mon Dieu. Tu pourrais t'empaler, là. Non. Hey, facile, là. Tu tombes à terre ou tu te donnes un kick sur le chat, là, puis non, tu tombes la. Non. Tu rentres ça dans la narine, tu saignes jusqu'à la mort, ça prend trois jours à mourir. Voyons, calique. Tout ça à cause parce que tu veux tricoter. Non, mais c'est parce que ma broche est sortie du trou. Tu vois, moi, je suis stallé là, puis il n'y a rien qui se passe, là. Ça n'avance pas le chandail. Je vais te le dire. Mon Dieu, que tu es impatient. Non, je ne suis pas impatient, mais. OK, là, je me mets du même côté que toi. Oui. Pique ton aiguille ici, dans la première manche. Bon, tu l'as fait. Tu prends ton fil entre de ta main droite, entre le pouce et l'index. C'est que j'ai du fun. Tu passes ton fil ici. Oui. Tu vois-tu? Oui. Puis là, tu viens le rechercher avec ton autre aiguille. Ça fait une petite loupe. Pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Pour tricoter un foulard, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. J'en ai aller en acheter un. Tu comprends? Je vais aller me l'acheter. Il sera pas fait main. Oui, il va être fait main. Puis je vais le chercher. Puis il va être laid. Non. Puis il va être en pétrole. Non. Non, je vais aller dans une boutique équitable. Bon, mais reste donc chez vous, puis va te chercher un foulard. Bon. Mon Dieu, c'est fini. Hey, tu parles d'une belle activité. Moi, ça m'a fait du bien, en tout cas. Moi, j'étais contente. Bon, joyeux Noël. Noël, c'est l'amour, et quand décembre revient, quand la neige neige, Anne et Marc se préparent à hiberner et se mettent en mode survie avec Mathieu Hébert. Tu t'appelles pas Mathieu? Non. Pourquoi j'ai dit Mathieu? Je sais pas. Joyeux Noël. Allez, joyeux Noël. Et là. Attends. C'est parce que, écoute, Mathieu, c'est Mathieu qui est arrivé? Oui. Mathieu, c'est un survivaliste. C'est un survivaliste. Ça, c'est très intriguant. C'est super intéressant. Pourquoi on devient survivant? Parce que là. D'abord, qu'est-ce que c'est, un survivant? Ben oui, c'est quoi, oui. Il y a plusieurs définitions. Gadon, il parle. Mais si on le laisse parler, c'est sûr qu'il va être capable de sortir des sons. Oui. Il y a tout un spectre au niveau des survivalistes. Fait que, tu sais, ça peut aller de. Je me prépare, moi, quelqu'un qui fait de l'autodéfense, par exemple. Ben lui, il se prépare, il se dit, ben si j'ai une agression ou un conflit physique, ben je veux savoir me défendre. Mm. Ce qu'on appelle les survivalistes, souvent on voit quelqu'un qui a un gros bunker, puis qui a de la nourriture pour 100 ans, puis des armes pour deux armées, puis ben, ça c'est un type de survivaliste aussi. Okay. Il y a aussi d'autres courants qui sont plus permaculture, communautaire, ou est-ce que les autres ils veulent l'autonomie, puis ils se disent, ben s'il y en a plus d'électricité, est-ce qu'on est capable de faire de l'agriculture sans électricité? Est-ce qu'on est capable de s'entraider? OK, ça c'est la vision romantique et inhérente à certains survivalistes, puis à tout survivaliste. Là, de dire, bon, ben, OK, d'abord, il faut d'abord que je reste en vie, là, si jamais il arrive quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on associe, tu sais, l'extrême droite, par exemple, à des survivalistes, tu sais, que c'est des freaks qui sont comme paranoïaques, enfermés dans leur. Effectivement, comme tu disais toi-même, dans le bunker. Qui se barricadent avec. Qui se barricadent, qui ont peur du monde. C'est un arsenal, ils sont prêts à tuer tout le monde pour se défendre. On associe beaucoup à ça parce qu'il y a eu des émissions, il y a des choses comme ça, mais si on réfléchit, tu sais, les dirigeants des grosses corporations, par exemple, les présidents, tout le monde, tous ces gens-là ont des bunkers. C'est pas des gens nécessairement d'extrême droite. Ouais. Ils ont des places. Moi, j'ai connu des survivalistes où est-ce que des gens, des urgentologues, un urgentologue, par exemple, américain, un gars qui avait fait toute sa carrière, lui, il avait une île puis un hydravion. Puis il y avait de la nourriture pour 50 ans, puis il y avait tout. 50 ans. Ouais, puis c'est quelque chose qu'il allait léguer à ses enfants aussi. Fait que c'était un investissement immobilier aussi. OK. Puis j'ai des amis, tu sais, en Utah, c'est une culture là-bas, vraiment, là. Il y a, dans le fond, c'est comme normal. Tu sais, tout le monde, les communautés sont assez serrées, et puis c'est assez normal. Mais c'est normal de se préparer pour la fin du monde, en fait. Pas la fin du monde. Ben... Eux, il y a ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai observé, là, je parle pas en mon nom, mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une grosse méfiance envers le gouvernement d'être capable de prendre en charge une situation de crise. Okay. Il y a une grosse méfiance, puis ils ont quand même des arguments, parce qu'on a vu aussi, tu sais, Katrina, on a vu, il y a beaucoup d'événements aux États-Unis que le gouvernement est débordé. Donc, ces gens-là ne veulent pas être à la charge du gouvernement, ne veulent pas se faire, ne veulent pas être pris de court, dans le fond. Oui. Puis toi, toi, t'es devenu à partir de quoi, pour quelle raison t'es devenu survivaliste, toi? C'est ouais, une question de survie. Particulièrement angoissé? Pas du tout. T'es-tu un zombie? T'as-tu mangé des gens? Je sens encore frais. C'est parti de ton enfance? Y a-tu un événement déclencheur? Voyons, on bombarde de questions. Ah oui, non, c'est frais, bombardé de même. Mais jusqu'où ça va? Parce que c'est sans fin. C'est sans fin, il faut trouver l'équilibre. Prévoir le pire, ça peut t'empêcher de dormir aussi. Malheureusement. Une guerre nucléaire, Trump qui te saute d'en face. Il n'y a plus de limite à un moment donné. Là. Effectivement, puis j'ai vu des gens s'engouffrer puis perdre leur vie à juste regarder qu'est-ce qui va mal. Puis qu'est-ce qui pourrait aller mal. Qu'est-ce qui pourrait aller mal, ouais. Qu'est-ce qui va mal. Parce que, oui. Parce que socialement, ça peut être paralysé. Oui, c'est ça. Ça devient lourd pour les familles. Et moi, je donnais un cours de survie urbaine. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon survivaliste? Est-ce qu'il faut être comme un peu catastrophé tout le temps? Non. Je pense qu'il faut aimer vivre avant tout. Oui. Et il faut avoir du fun. Parce que si c'est pas le fun, ça devient lourd. Vraiment, là. T'sais. Ben oui, stocker du canage. Oui, puis stocker du canage, on fait le tour vite. Ah, ouais. Hein. Là, 10 ans, on parlait de survivalisme, puis là, les gens étaient comme, c'est bizarre, c'est... Ouais. Et là, maintenant, c'est comme normal. C'est dans le sens où, à différents niveaux, les gens le voient dans leur quotidien, dire, ah, ben ça, je serais pas prêt, là. Est-ce que vous seriez capable, par exemple, de retourner à la maison à pied avec tout ce que vous avez de besoin? Est-ce que vous seriez... Avec tout ce que vous avez de besoin. Pour retourner à la maison. Est-ce que, dans le fond, les membres de votre famille, s'il n'y a plus de communication possible au niveau électronique, savent où vous retrouver? Puis est-ce que vous êtes coordonnés pour dire, OK, là, il y a quelque chose de grave qui se passe. Qui va chercher les enfants à telle place? Une bombe tombe sur Montréal. Ben, toi, tu sais... Une bombe tombe sur Montréal, on n'a pas besoin de faire cet effort-là. Non, je veux dire, mais mettons que tu survis à ça, puis mettons que tu as... du chaos. Tu as un plan de match. Juste toi, un chaos ordinaire. Un chaos ordinaire. Ça, c'est beau, ça. Ça serait le titre de ma biographie. Un chaos ordinaire. Mais c'est ça. Mon chaos ordinaire. C'est un chaos extraordinaire. Oui. un chaos extraordinaire. Ben oui, moi, un chaos qui a plus de bout. Mais tu sais, juste des petites choses qui arrivent, là. Tu sais, c'est un événement, ça sera pas la fin du monde, mais la fin du monde, ça arrive à chaque jour pour plein de gens, là. Puis, il faut être en paix aussi avec notre espèce, ben à un moment donné, peut-être que ça sera sa fin, puis t'as beau être survivaliste ou pas, si c'est sa fin. Moi, j'ai un de mes instructeurs de survie qui me disait à la blague, « Tu veux-tu vraiment survivre à la fin du monde? » Mais tu irais pas jusqu'à tu sais, le roman Les survivants, là, il se mange, là, tu sais. Non, Dieu. Non, ça c'est vraiment non. Non. Il y a des gens en Afrique qui font ça, ça donne pas des bons résultats. Qu'est-ce que tu veux dire, ça donne pas des bons résultats? Ben, ça débalance le psychique. Ouais, non, c'est pas bon. Là. C'est pas, on est, tu sais, la vache folle, c'est pas bon. Là. Quand tu manges ta propre espèce, c'est jamais bon. C'est ça, il faut pas manger sa propre espèce. C'est ça. Tu viens de dire. C'est pas un plan à long terme pour les. Mais. Non, j'ai jamais pensé manger toujours, mon espèce, moi. Non, t'as jamais mangé ta propre espèce. Non, mais ça m'est revenu à l'idée non plus d'en manger. Ça m'a jamais. J'ai jamais pensé à ça. Non. J'ai jamais pensé à ça. Non, c'est sûr que ça vient pas de même. Mais rendu là, toi, comme survivaliste, tu te fais belle. Ça donne rien que je donne des cours. On peut rien faire dans une situation pareille. Mais c'est ça. T'imagines que c'est les pires situations que tu as imaginées, non? Exact. Ce que tu peux faire avant, c'est de décider où tu habites, par exemple. Juste une ville comme Montréal, ben c'est difficile parfois de circuler alors que tout va bien. Ben, dans la panique... Le chaos augmente vite, c'est exponentiel. Ah, c'est ça, oui, c'est bien trop vrai. Ouais, puis c'est une île, hein. C'est comme il y a des ponts, il faut sortir. Et où est-ce qu'il faut aller? Ben, c'est ça. Saint-Lambert, c'est le fun. Hein. Longueuil. Oui, mais c'est le pont victorien. Il faut. Ouais. Ça swing. Mais il est bas. Oh, je ne l'aime pas, ce pont-là. Il est bas. C'est ça. Puis on a l'hiver, on a un paquet de choses. Toi, là, l'idéal, c'est le plus loin possible. Non, pas nécessairement, mais. J'aime la nature. Ouais. Okay. Ça, c'est toi. T'sais, à un moment donné, j'étais avec mon ami à la baie James, puis on regardait le lac, tu sais, qui est immense. On disait, combien de temps qu'on pourrait vivre ici, là, avec le stock qu'on a amené? On se regardait, on disait, au moins 100 ans. T'sais, parce que, avec les compétences qu'on a, on regardait ça, puis on faisait des farces. C'est sûr qu'on peut tomber malade, qu'on peut pas être prétentieux, on n'est pas des super-héros, là. Mais dire, si tout va bien, on a des ressources ici devant nous. Pêche, mais je peux pas faire ça quand je regarde le Mont-Royal. Ah ouais, mais non. On a la vision. C'est juste, après les 400 premiers écureuils. Oui, c'est ça. Oui, oui. Puis on serait bien content que tu aies été. que tu les fasses toutes cuire, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est pas c'est ce très bon d'écureuil. Ah, ben, je sais oh, pas, moi, Dieu. Je n'ai jamais goûté. Un écureuil de la rue Monklin. Ah, là, non, non, non. Les écureuils d'NDG, c'était insupportable. Il y en a mais... tellement. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, selon toi, et de plus probable, de plus... Moi, ce que j'aime faire, au lieu de regarder des sites de conspiration puis de me faire toutes sortes d'histoires, j'aime ça regarder ce que les gouvernements préparent, les études qu'ils font. Et puis, au niveau des pandémies, c'est tout le temps fascinant de regarder à quel point ils prennent ça au sérieux, à quel point il y a de l'argent qui est investi dans l'étude de cas. Par exemple, un virus de la force du SRAS, mettons. Pas quelque chose de plus virulent, là, pas quelque chose de science-fiction, juste ça. C'est quoi l'impact si on perd le contrôle? C'est quoi les embûches à mesure qu'il y a du monde malade? Par exemple, si au début, ça touche, je sais pas moi, une personne sur 25, c'est une chose. Puis là, quand les chiffres changent, puis ça devient une personne sur 10, bien, il faut comprendre que ça touche les gens dans le médical ben aussi, oui. Les policiers, ça touche tout le monde. Les gens qui s'occupent d'électricité, les gens qui s'occupent de tout. Puis là, si ça monte tranquillement pas vite, puis là, tu as l'effet que ah, toi, tu es en santé, ta famille est en santé, mais tu veux pas être contaminé. Mais là, si tu n'as rien chez vous pour manger puis pour purifier ton eau, pour te chauffer, tu es obligé de dire, ah ben là, ils nous ont dit d'aller au Centre Bell, on va tous se coller puis se chauffer. Ouais, ouais, ouais. Là, comment qu'on gère le fait que là, tout le monde a chum puis tout le monde attrape les affaires. Fait que, alors, si notre famille, on a un endroit, par exemple, où est-ce qu'on peut se chauffer, on peut quitter, si on voit, ah ben là, ça, ouais, il y a comme une pandémie qui se prépare, tu sais, c'est pas une attaque soudaine, c'est quelque chose que tu peux voir venir. Et on dit, bon, mais on va au chalet. Au chalet, on est autonome. On est autonome, puis on a quelques réserves qui sont là, puis on peut laisser la crise passer. Ouais. Ça, c'est un événement. C'est un événement, mais qui n'est pas catastrophique. Ça peut devenir catastrophe. Il y en a eu des films avec des pandémies, puis il y avait des boutons, puis tout le monde générait au 15 minutes. Il y a un coût à ça aussi, parce qu'il y a un coût économique. Je regardais une simulation récemment, puis avec quelque chose d'assez doux, là, de la catégorie du SRAS. Là. Attends une minute, il y a une simulation aux États-Unis? Non, des simulations mathématiques. Là. Ah, OK. C'est des simulations, c'est des scénarios qui sont regardés par des organismes. Puis, tu sais, ils disaient, bon, ben 900 millions de morts, ça peut arriver relativement... Ils peuvent l'échapper relativement facilement là, pour ça. C'est un gros chiffre. Ah, OK, ouais. C'est un gros chiffre. C'est beaucoup. C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, ça. Comme espèce, on a défié beaucoup, beaucoup les statistiques dans le passé, comme espèce. Okay? Oui. On a une résilience extraordinaire. Par contre, comme espèce, c'est quoi notre destinée par rapport à notre planète? On va peut-être manquer de ressources. Comme espèce, on a tendance à attendre la dernière minute pour beaucoup de choses. Mais t'es pas particulièrement optimiste. Pas particulièrement optimiste, mais il y a des belles initiatives. Puis j'essaie chaque journée de... Tu sais, je pense que ça commence à propos de nous. Trop souvent, on attend la solution d'un génie à quelque part, scientifique ou des gouvernements. Mais je pense que ça commence... On a un petit discours qu'on fait à notre cours de survie urbaine, puis ça commence à partir de prendre soin des gens autour de nous. Mm-hmm. Tu sais, que ce soit le voisin, notre communauté, puis de dire... Tu sais, si la fin du monde arrive, là, puis tu t'es toujours chicané avec ton voisin, là, ben, ça va pas bien aller. Ça va être plate si t'as besoin d'aide. C'est dur. Puis on s'est tous déjà chicané avec des voisins, puis c'est difficile, les relations. Tu sais, on a de la misère à s'entendre. Là. Ça prend pas grand-chose. Quelqu'un qui te coupe, puis, c'est incroyable à quel point on peut avoir le ventre plein, être bien, être aimé, tout va bien, puis la moindre petite affaire qui déroge de notre scénario, là, on capote. Puis ce que je dis souvent, c'est qu'en survie, il faut que tu acceptes. Le plus vite que tu acceptes ta situation... Change, puis que tu perds une partie de contrôle. Puis là, tu te concentres pas sur ce que tu veux qui arrive, mais sur ce que tu as besoin qui arrive. Ouais. Ah, ouais. Il y a une grosse différence entre ce que tu désires et ce que tu as réellement besoin. Ah, oui. Ben, c'est ça, c'est comme Pierre-Yves McSween, tu sais. Ah, oui, j'en ai-tu vraiment besoin? J'en ai-tu vraiment besoin? Je suis obligé d'acheter ça. Pour me faire un abri à la place. Ben, hey, c'est vraiment le fun, Mathieu. C'est vraiment. C'était merci très, très instructif. Merci d'être venu. Merci formidable. OK. Tu connais le chemin pour retourner? Non. Pour chasser les sombres idées apocalyptiques, rien de mieux que la chanson d'un monde sublimé. Ça tombe bien, c'est l'heure de l'apéro et Joseph, le voisin musicien, débarque à la maison avec ses amis Philippe et Sam. Regarde, oh, musicien, je me sens ça. Big, là! Regarde, c'est pas avec Serge Chiori en studio que c'est le fun de même, là. Je me sens comme Beyoncé. Ah. Oui, ben oui, certain. Wow! Oh! Penny Lane, c'est une rue d'une petite ville. Je la connais puisque j'y passe ma vie. C'est chez le barbier qu'on voit tous les gens. Beau temps, mauvais temps. Le gérant de notre banque a une automobile. Tous les enfants lui jouent des tours et rient de lui. Et cet homme n'a jamais de chapeau, même sous la pluie. Quel idiot. Penny Lane est à mes yeux comme une fille. Moi j'y reviendrai finir ma vie. Je m'en souviens trop bien. Sur Penny Lane il y a l'unique pompier de la ville. Et sur son cœur il garde le portrait de la reine. Il lave son camion soir et matin. Il le lave bien. Il y a toujours tout près du kiosque au milieu de la place une jolie femme qui vend des poupées de papier. Est-elle faite elle aussi de papier? On ne sait jamais. Penny Lane, tous les clients du barbier sont venus. Même le pompier prend un congé car il pleut. Le gérant de la banque, son chapeau est venu aussi. Quel idiot. Penny Lane est à mes yeux comme une fille. Moi j'y reviendrai finir ma vie. Je m'en souviens trop bien. Penny Lane est à mes yeux comme une fille. Déçus par les performances de la Sainte Flanelle, Anne et Marc ont eu envie d'inviter Gilles Ouellette et François Beauregard, deux excellents joueurs de l'équipe Les Hiboux. Vous, vous connaissez depuis combien de temps? Gilles et moi? Oui. Ben, Gilles était déjà, s'occupait déjà des Hiboux. Moi, j'ai commencé à jouer avec les Hiboux en 2005, ça c'est fait ça. 13 ans. Parce alors, que là, on parle des Hiboux, c'est là. Ça, c'est l'équipe de hockey que vous avez formée. Ça, c'est le fun, dans le sens que c'est du hockey sonore, c'est ça qu'on dit? Oui, c'est du hockey pour sonore. Pour les malvoyants, pour les handicapés visuels. Pour les handicapés visuels, ça nous permet de jouer au hockey parce que c'est exactement comme du hockey. Il y a un arbitre, c'est une patinoire, on est 5 contre 5, il y a des gardiens, il y a un score, il y a un enjeu. Il y a c'est des hors-jeux, mêmes règles, il y a des hors-jeux codes, à la ligne bleue. Okay. Il y a quelques règles qui sont différentes. Comme? Il y a une obligation pour l'équipe à l'attaque de compléter une passe en zone offensive avant de pouvoir compter. Ça oblige, parce que le gardien de but est complètement aveugle. D'accord? Ah oui, OK. Fait que ça donne une chance complètement. De plus. Et ça, comme ça, on ne peut pas y avoir une échappée. Si quelqu'un part en échappée, il faut, entre guillemets, qu'il attende un coéquipier. Bon, pour faire la passe, et c'est le coéquipier. Et ça permet au gardien de but de se déplacer, de savoir gauche-droite, est-ce qu'il va y avoir un lancer, puis d'où peut-il venir. Oui, parce qu'il peut se blesser. Ça, c'est la règle première. La deuxième adaptation la plus importante, c'est que les buts de hockey, au lieu de faire 4 pieds de haut par 6 de large, ils font toujours 6 de large, mais ils ne font que 3 pieds de haut. Ils sont un petit peu plus bas, parce que des tirs dans la lucarne, pour un gardien complètement aveugle, c'est plus difficile à stopper. Oui. Les hors-jeux à la ligne bleue, là, on est tenu de les respecter. Là. Okay. Même si la ligne bleue, on la voit pas tout à fait. Mais voyons, est-ce qu'il y a quelque chose, une texture sur la ligne bleue pour que vous la sentiez avec vos patins, un petit bump, un petit quelque chose? Non, mais à un moment donné, dans des arénas, il y a comme une ligne bleue peinturée sur la bande, vous avez la ligne bleue. Quand on est en scapé visuel aussi, on développe d'autres sens, on développe beaucoup notre proprioception, notre capacité de repérer notre corps dans l'espace. Et une patinoire de hockey, comme mentionnait François, ça a toujours la même dimension à quelques pieds près. Là, donc, les gens, c'est sûr qu'au début, sont peut-être, les nouveaux sont peut-être un peu plus réticents. Ben oui. Mais rapidement, au bout de quelques coups de patin, tu comptes tes coups de patin, ouais, puis tu sais que tu arrives à c'est ça. Puis les jeux se font, puis ils voient quand même la ligne à leurs pieds. Les gens, comme je dis, ils ont généralement un peu de vision. Puis des fois, on va leur dire, on va être très généreux avec les nouveaux qui commencent. Donc, on va leur dire, ben là, t'as peut-être t'as 30 pieds devant toi, le feeling. Tout ça, c'est l'être généreux au début, parce qu'après, ouais, j'imagine à que... Année, c'est comme... Ben, voilà. On a dit, la semaine passée, justement, j'ai dit à un nouveau, notre jeune Nathan, qui a 16 ans, qu'on lui a donné, on lui donnait beaucoup d'espace. Et Nathan, il peut peser 108 livres mouillés. Là. Ouais. Et puis là, il a 16 ans, on veut faire attention avec lui, mais on lui donnait toujours un peu d'espace là, ouais. Pour, sur le long de la bande. On ne veut pas arriver. Là, est-ce moi, que vous plaquez? Mais il y a du chien. Non, non, non. Non, non. Mais là, non, mais non, là, non, là, non, là ça joue un peu où il y a des contacts. Inévitables. Oui. Les premières fois que j'ai joué au hockey, j'ai arrêté de jouer pendant 17 ans. Je jouais au hockey ordinaire, dans une ligue de garage avec des gens voyants quand je voyais. J'ai arrêté de jouer à 30 ans, j'ai recommencé à 47. Vous avez arrêté à 30 ans quand la maladie a commencé à oui, quand ça a commencé à devenir impossible là, pour moi de jouer au hockey ordinaire. J'ai arrêté pendant 17 ans. Mais quand j'ai recommencé à jouer, il y a maintenant 13 ans, les premiers matchs, j'étais un peu bloqué parce que je me disais, hey, c'est dingue. Hein? On ne voit rien ici. Là. Ils ne voient pas plus que moi, ces gens-là. Puis ils patinent vraiment vite. Puis là, okay. On court après la même rondelle. Une rondelle, d'ailleurs, je fais une parenthèse, là, mais la rondelle est sonore. C'est une rondelle en métal. En acier, c'est acier, ça, ouais. En acier. Mais elle est belle. C'est une rondelle. Là, c'est pas une rondelle que quelqu'un a fait dans son garage. Là. Ben, elle est un peu... Elle est bosselée, mais elle est solide. Le métal est très, très épais. Au début, je me disais, c'est dingue faire ça. C'est un sport de fou. Là. C'est comme faire du bungee comme ça tous les matins. Non. La seule façon de jouer, c'est d'oublier ça. Puis si on est dans le flow du match, si on connaît suffisamment le hockey pour savoir, finir par percevoir à quel moment le jeu va changer de direction pour être dans le bon sens, là, ça va bien. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais joué au hockey puis qui devient... Nathan, le petit jeune que je parlais tantôt. Il n'avait jamais joué. Il avait entendu parler de nous à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et c'était son rêve de venir jouer avec nous au Hibou. Puis sa mère, ils ont déménagé de l'Outaouais à Montréal pour venir jouer avec mais nous. Et donc. Puis pendant 2 ans avant de commencer, il n'y a plus des cours de power skating, de patin, tout ça. Puis il a commencé à jouer avec nous. Personne ne pensait, je dis, ben là, t'as fini ton break parce que là, tu commences à donner trop bon. Il y a du chien dans le nez, pas mal. Qu'il n'y a pas nécessairement des équipes de hockey comme ça pour les non-malvoyants partout au Québec. Là, il y en a pas. Non, pas au Québec. Les Hiboux, c'est les seuls au Québec. Quand on dit le club des Hiboux de Montréal, il faut comprendre que c'est amical, récréatif. Alors, on est peut-être une vingtaine ou une trentaine d'handicapés visuels qui jouent au hockey. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui ont un uniforme orange, puis l'autre a un uniforme noir pour faire contraste. Oui. Et là, je vais laisser Gilles parler d'un autre niveau de compétition là, qui nous est cher aussi. Ben oui, parce que François et moi... d'autres joueurs des Hiboux, en avril dernier, on a été sélectionnés pour l'équipe nationale, l'équipe canadienne de hockey sonore. Oh. Donc, on fait également partie de l'équipe... En plus, on fait partie des Hiboux, on fait également partie de l'équipe canadienne. Oh, bravo, c'est cool, ça. Wow. Et pour faire... On a fait partie, on a eu la première confrontation Canada-États-Unis au mois d'octobre dernier. Ça se passait où, aux États-Unis? À Pittsburgh. Et on a gagné la médaille d'or. Ouais. Le Canada a gagné la médaille d'or sur les 3 matchs. Ouais. On peut dire qu'on est champion du monde. Ben, on est champion du monde. Si vous avez un sport assez niche, là, vous pouvez devenir champion. Mais là, vos arbitres sont voyants. Par exemple, bien qu'on en doute. OK. On s'en doute, des fois, on se pose des questions, mais ils sont voyants, oui. Okay. Parce qu'il faut qu'ils soient capables de différencier une collision qui est volontaire et qui est une infraction de hockey avec quelque chose qui ne l'est pas tout à fait. Puis, éventuellement, il pourrait-tu avoir un club des chouettes avec qui des femmes handicapées visuelles ont joué avec nous. On a eu des dans joueuses. Le club des Hiboux? Oui, ils vont avoir leur club à elles aussi. Ben, c'est une question encore une fois de population puis de segmentation. Ouais. Le plus jeune hibou a 16 ans, le plus vieux a 60 et il est devant vous. C'est parti d'ici, c'est parti du Canada, ça? Les premiers clubs de hockey sonore ont vu le jour à Toronto et à Montréal dans les années 70. Okay, cool. Et ils se sont développés complètement de façon isolée, avec des règles adaptées différentes. On jouait avec des objets différents. Ouais. On ne se parlait pas. Puis, en 2010, il y a eu pour la première fois les gens de Vancouver, Toronto et Montréal qui sont venus à Montréal. Et on a dit, ben, il faut... standardiser notre sport puis créer quelque chose. Oui. Alors là, à partir de là, ça fait pouf. Est-ce que c'est là que la rondelle a changé, que vous êtes passé d'une boîte de conserve plus grosse? Ça fait partie de la standardisation. La règle d'une passe obligatoire en zone offensive est une invention montréalaise qui a été acceptée dans le reste du Canada et des États-Unis maintenant. De faire la passe en arrivant, dépasser la ligne bleue pour pouvoir aider le gardien à figurer la trajectoire. Ouais. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Bon, c'est... Moi, je veux juste... Là, on peut aller voir vos... Excuse-moi. Oh, non, vas-y. On peut aller voir les matchs. Oui, c'est gratuit. Plaisir. C'est gratuit. Puis c'est le meilleur spectacle. Les lundis soirs, 20h, c'est le meilleur spectacle en ville. Ça doit être extraordinaire. Arena Francis Bouillon. Les portes sont ouvertes. On vous accueille. J'ai une question à propos de la rondelle. Parce que ça ressemble à une vraie rondelle de hockey. Là, c'est à peu près... aussi, ben c'est peut-être un peu plus épais, un peu plus gros. Deux fois camembert. Oui. C'est mais une rondelle de hockey normale, c'est un petit peu plus deux, petite. C'est deux fois une rondelle de hockey, en diamètre et en hauteur. Ouais. C'est les proportions d'une rondelle de hockey. Mais qui fait ça? C'est une compagnie, parce que là, je vois pas de couture, tu sais, je vois je vois pas de... Elle est tellement belle, là. Ils s'en fabriquent peut-être 200 à 300 par année en Amérique du Nord. Pour satisfaire le marché, parce qu'une rondelle dure peut-être 4-5 matchs. Ben, c'est parce que là, celle que vous avez entre les mains commence à être poquée. Une rondelle neuve est encore plus... plus belle, plus... plus c'est le fun quand c'est poquée. C'est le fun quand c'est poquée. Ça, c'est un point de vue esthétique. Maniabilité, éventuellement, ça se détériore un peu. On peut parler d'un projet qui est justement sur la table actuellement. Oui. Avec l'UQAM, justement, avec des chercheurs de l'UQAM, Steve Vézeau, Frédéric... encore l'UQAM. Et c'est trois chercheurs de l'UQAM qui tentent de nous aider à développer une rondelle électronique. Qui va pouvoir faire... Parce que ça, le défaut de cette rondelle-là, c'est qu'elle est immobile dans le coin de la bande. Bien là, on ne l'entend plus. Les gens peuvent l'acheter. Ou dans les airs. Le gardien de but ne l'entend pas. Donc, la rondelle électronique fait un bip, bip, bip, bip. OK, un régulier. Un bip régulier. C'est juste qu'il faut qu'elle soit résistante au choc. Et là, c'est tout le défi de trouver un matériau qui serait plus léger que du poids qu'elle est là actuellement, qui ferait moins mal, puisque là, c'est en acier, donc qui ferait aussi moins mal. Oh oui, ça prend bien de la recherche. Résiste au chaud, à l'humidité, à la basse température. Puis ça évidemment, c'est que audible, la rondelle. Ben, c'est d'apprendre, la personne, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une personne handicapée visuelle, c'est d'apprendre à se fier à nos autres sens, beaucoup plus à nos oreilles, à nos perceptions qu'on peut ressentir sur notre feeling, sur notre corps. Mm-hmm. Donc, des fois, peut-être le défaut d'une personne handicapée qui commence à jouer, c'est de vraiment s'assurer de se pencher puis de chercher la rondelle juste avec ses yeux, puis pas de se fier à ses oreilles. J'ai déjà dit à un nouveau joueur, arrête de regarder par terre, puis lève la tête et... Fie-toi à tes oreilles, tu vas apprendre à placer ton bâton à la bonne place. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment ça le défi, c'est d'apprendre à se fier à ses oreilles, d'entendre les coups de bâton qui sont donnés, pour vraiment, pas juste de chercher avec nos yeux, mais chercher avec nos oreilles. Une situation très simple, moi je joue à la défense, puis la rondelle se retrouve, il y a un lancer dévié, quelque chose, la rondelle se retrouve dans le coin, puis elle est en train de tourner le long de la bande dans le coin. Si je me tourne, puis j'essaie, avec mon résidu visuel, de dire « où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est? » Je la trouverai pas à temps. Quelqu'un d'autre va la trouver à temps. Oui, c'est ça. Mais si je dis, OK, par le son, quelle vitesse, dans quelle direction, est-ce qu'elle s'en va vers l'arrière du but ou est-ce qu'elle progresse vers la ligne bleue, puis à peu près à quelle vitesse? Puis là, je vais finir par la voir parce que je sais où regarder. Ouais, mais si je commence ma recherche par essayer de la trouver avec mes yeux, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a des complicités de joueurs qui s'établissent comme des joueurs voyants qui, à un moment donné, disent « Moi, je sais, même s'ils ne se voient pas, on voit ça là, dans des jeux là, à Ligue nationale. » Les bons joueurs sont au bon endroit. Bon, c'est ça. Puis si on a le sens du jeu, on sait où, logiquement, le bon endroit devrait être dans une phase de jeu. Les bons joueurs sont là. Mais entre nous, si je peux ajouter, une des premières choses qu'on discute quand on rencontre un nouveau joueur, c'est de leur dire qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas. OK. Comme moi, François, on a deux visions complémentaires. Donc, souvent, je vais lui dire, est à tes pieds, parce que je sais qu'il ne la voit pas. Oui. Puis lui, s'il me l'envoie, il va dire, Gilles, parce qu'il sait qu'il ne la voit pas arriver, mais je vais juste l'entendre. Donc, des complicités que vous parlez, c'est un peu ça. Si la rondelle est trop près de moi, je la perds. Alors, je préfère que les passes soient à peu près. Que j'aille patiner dans la rondelle, que je rejoigne la rondelle en mouvement. Gilles, il faut lui mettre pas loin de la palette. C'est dans ses pieds, il va se débrouiller. Mais si on s'attend à ce qui accélère dans la rondelle, on peut peut-être être mal servi. OK. Voilà. Mais ça doit être jouissif quand vous arrivez comme ça. Ah oui. Est-ce que la rondelle, quand elle arrive sur la palette, mettons, ouais. qu'elle arrive sa palette. Non, elle arrive sa Les premières fois, oui, j'en mais c'est, doute c'est, pas. C'est les mêmes mais exigences les que des joueurs ouais. voyants. Ouais. En fait, ouais. t'apprends ouais. à connaître tes coéquipiers puis dire, lui, il y a une ouais. faiblesse là, lui, il y a une force ouais. là, je vais ouais. m'arranger mais, pour... Et on exploite la faiblesse de nos adversaires aussi. Ben oui. Ben oui, comme des vraies équipes, mais des coups cochons. Quand on regarde l'alignement adverse, on dit, on va rentrer dans la zone du côté gauche parce qu'on sait que la personne qui... De ce côté-là. Pas de nom, s'il vous plaît, pas de nom. Pas de nom, non. Écoute, bon. Mais c'est vrai, c'est compétitif. Ah non, c'est compétitif, c'est pas de cœur. À un moment donné, il faut y aller pas de cœur. Est-ce que vous avez des souvenirs très, très présents du temps où vous voyez tout? Des couleurs, des... Y a-tu où c'est derrière vous? Puis on regarde en avant. On oublie ça, là. Je vais pas. Je m'en fous. Vous vous en foutez. Ben ouais. C'est formidable. Vous vous en foutez. C'est derrière. Quand une chose comme ça nous arrive, que ce soit brusquement, comme dans le cas de Gilles, ou la réalisation que ma vue va se détériorer jusqu'à une cécité totale un jour dans ma vie, on peut s'asseoir sur le bord du trottoir puis pleurer pendant un certain temps, mais un jour ou l'autre, il faut décider qu'il n'y a rien qui n'est pas à notre portée. Dans la mesure où il y a certaines adaptations ou accessibilités, là, puis que je ne mets pas la vie de personne en danger, il n'y a rien qu'à mon épreuve. Est-ce que vous l'avez eu, cette période-là, sur le bord du trottoir? Oui. Elle a duré plus que 8 minutes. Mm-hmm. Uh-huh. Ça a été long. Oui. Mais vous avez eu de l'aide. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là, quoi? Est-ce que vous saviez qu'il y avait cette association-là, cette fondation? De temps, j'ai appris que je perdais la vue quand j'avais à peu près 30 ans. J'ai découvert les bouts quand il y en avait 47. Là. Mais pendant 5 ou 6 ans, ma vie a été ruinée. Là. Ruinée? Mm-hmm. Oui. Ouais. Mais c'est mon histoire. C'est celle de chacun à la sienne. Là. Mais ça arrive. Hein, vous, oui, vous les gens qui nous arrivent parfois. Les hiboux, il faut comprendre qu'on change des vies. C'est pas juste un club de... Mais c'est sûr. Leg de garage que ça donne qu'on voit pas. On ramasse des gens qui sont défaits parce qu'ils viennent d'apprendre que leur vision serait foutue pour le reste de leur jour. Puis que pour eux, d'après ça, d'être dans un vestiaire, puis avoir de la camaraderie, puis rencontrer des gens qui ont des carrières, puis des conjointes, puis des familles, puis tout ça, puis que c'est possible, qu'on a du plaisir ensemble, puis que... C'est la vie. Puis qu'on est autonome, puis que pour ces gens-là, là, ça c'est le jour et la nuit, là, sans faire de mauvais jeu de mots. Oh oui, ça, non, mais c'est formidable. On est une œuvre d'intégration sociale autant qu'une ligue de garage. Mais vous êtes des vrais sportifs. Oui. C'est à ne pas négliger. Oui, vous faites peur. Moi, je ne jouerais pas au hockey avec vous. Semaine. Vous ne me prendriez pas dans votre équipe. Mais... Si je suis voyant, je ne pense pas. Mais comme parce que je vous ferais perdre. Super. Hey, merci infiniment. Merci. Vous êtes formidable. Hey, merci. Pour vrai, là. Les gens voyants, ils trouvent toujours ça extraordinaire. Nous, on trouve ça normal. C'est ça qui est drôle. Pour nous, jouer au hockey, c'est comme courant. Puis... Oui, mais c'est parce que ça fait... Les gens qui n'ont pas d'handicap, et je dis ça sans méchanceté, là. Les gens qui n'ont pas d'handicap, parfois, s'ébahissent de ce que nous avons accompli. Mais vous auriez été placé vous-même dans les mêmes circonstances. Peut-être. Vous auriez trouvé en vous la force et la résilience nécessaires. Peut-être, mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien au travail, au courage. Puis à la patience. Il faut le faire. Dépression qui dure 8 ans. Oui, tout à fait. Puis je dis toujours aussi aux gens qui, en skipping qui viennent nous voir. Mettons, ils viennent un lundi. Voilà, je vais aller voir avant d'embarquer. Moi, je leur conseille toujours d'embarquer. Viens pas voir. Parce que ça peut faire plus peur d'être sur le côté de la bande que d'être sur la patinoire. Parce que expérience, justement, ceux qui font juste regarder reviennent pas. Ils disent ça n'a pas d'allure. Ah oui, un peu comme j'ai vécu les premiers matchs je comprends. En disant ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je fais là? Bon, mais moi j'ai décidé de foncer. Là. Mais vous êtes des gens de killer pareil. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Chantez par les chauds. Je vous laisse. Mon scrape et ma pelle pour vous rendre à la rue. Je vous laisse. La petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous. Je m'en vais. j'irai dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse les enfants qui s'assomment en pitchant des balles de neige de glace en pleine face. Je vous laisse les enfants qui ont la langue collée sur les terres qui pleurent parce que le train s'en vient. Je vous laisse les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort top secret. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au bout. Je vous laisse le bus du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slush en transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Oh! À l'extérieur, des sons étranges se font entendre. Dans la ruelle, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. La porte arrière s'ouvre, une visite pour le moins psychotronique. Oh, ben, ah, ben voyons oui, donc! Se... Oh! Oui, faut-tu se lever, Seigneur? Oh mon Dieu, mais il est parfait! C'est le plus beau Père Noël que j'ai vu de toute ma vie! Mais s'il y en a un! Je vais rougir! Moi, tu peux rougir! Hey, c'est parfait! Hey, c'est trop charmant! Hey, c'est merveilleux! Hey, vous avez vraiment un beau rire, une caisse de résonance! Hey, vous êtes le plus beau Père Noël que j'ai vu toute ma vie! En fait, vous êtes le vrai! Vous me flattez! D'ailleurs, maintenant qu'on se connaît bien, vous pouvez m'appeler par mon petit nom. Hein? C'est Nicolas? Nicolas Noël. Nicolas Noël. Mais Nicolas, vous êtes né, vous n'êtes pas né... est-ce qu'on peut... Oui, on peut aller là. Vous êtes né où? Mais je suis né en Finlande. Ah, vous êtes né en Finlande. Oui, parce que j'ai pas toujours été le grand magicien de Noël, moi. Ah non, j'étais un petit bébé, comme tout le monde. Et puis j'ai grandi, j'ai grossi. Évidemment, mon papa et ma maman vivaient dans une petite maison sur une montagne, la montagne du Kurunvantunturi. Le Kurunvantunturi. Qui veut dire la montagne de l'oreille. La montagne de l'oreille, c'est ça. Oui. Et puis je vivais là avec mon papa. Il était russe, mon papa. Ah bon? Il s'appelait. Died Moroz. Okay. Le père Gel. Oui, c'est très populaire ce mot ces temps-ci. Ben oui! Parce que. Il en fume du bon, c'est sûr. Nicolas, pour vrai. Non, mais. Tu réalises parce que. C'est failli, puis on a vu. Puis moi, j'ai été sur les genoux du Père Noël. Je me rappelle quand tu étais petite, hein, comme mais ça. Mais je pense pas que c'était vous. La barbe était un petit peu croche, peut-être. C'était peut-être un de mes amis assistants. Oui. Parce que malheureusement, je peux pas être partout dans le monde. Enfin, à la fois. Le soir de Noël, c'est autre chose. Oui. Oui, parce que pour faire le tour du monde, en une seule nuit, j'utilise la magie de Noël. Et l'espoir des enfants me nourrit. Oui, à compter de 11h, 23h, 59 minutes, 59 secondes, le soir de Noël, j'utilise ma montre magique. Mais voyons donc. Oui, regardez comment elle est magique. Ça vient avec le costume. C'est pas le costume. Non, c'est pas un costume. Mais c'est mes habits de tous les jours. Oui. Et puis donc, à compter de 23h, 59 minutes, 59 secondes, j'appuie ici trois fois sur ce petit bouton et le temps s'arrête. Ah oui. La veille de Noël. C'est comme ça que j'ai le temps de faire le tour du monde en une seule nuit et faire des cadeaux à tout le monde. Ah oui, c'est et bon. Manger plein de biscuits, oui. Exactement, c'est ça. Mais c'est qu'en plus, Nicolas, vous donnez des cours. Des cours de Père Noël. En fait, ce que je me suis dit un jour, que je me suis dit, c'est un peu terminé cette époque où on avait, avec gentillesse bien sûr et avec bonne foi, le message de dire aux enfants, ah tu étais sage, si t'es pas sage, c'est le old school Père Noël. Oui, on est, oui, 2.0 maintenant qu'on dit, c'est ça, oui, Père Noël 2.0. Oui, c'est ça. Le message il est plus positif. Oui, il est constructif. C'est la méthode du renforcement positif. Ah oui. Moi, ce que j'aime dire aux enfants, C'est pas ce que tu as fait de pas bien et tout ça, puis de faire la menace de dire « Ah, oh, si t'es pas gentil, t'auras pas de cadeau. » Non, non, non, finis ça. Mais d'où vient votre amour, puis votre... Les yeux des enfants, Marc. Oui, mais quand même, parce que là, d'en savoir autant, parce que là... Le premier jour, ouais. À la place Rosemère, ouais. Je me souviens toujours. Désolé, mais c'est quand même à la place Rosemère. Non, non, mais il faut... La place Rosemère, on y va pas assez souvent. Non, non, mais j'ai été invité à la place Rosemère. Il y a un ami qui t'appelle, qui dit « Écoute, ben moi, je suis lutin dans un centre commercial. » OK. Et puis là, le monsieur qui fait le Père Noël, eh ben, il ne peut pas mettre le costume parce que je crois qu'il a bu un petit peu trop de gin hier. Et là, on me demande à moi d'aller directement là-bas. Je fais « Bon, d'accord. » Quand je me suis assis pour la première fois, ouais. J'étais pas à l'aise avec ce message de « Ah, tu étais sage. Ben » Puis pire, viens me voir... pour faire la photo, et je te donnerai un bonbon. Mais il y a des pas gentils monsieur que j'oserais pas appeler, là, mais sur la rue, qui font la même chose avec les enfants. Quel message on donne aux enfants quand on les oblige à aller voir les enfants? Ça, c'est tellement juste. D'ailleurs, on avait changé le concept, j'avais mon bureau, les enfants n'étaient pas obligés de s'asseoir sur moi. Ah, ça, c'est une bonne chose. C'est déjà bien. J'ai éliminé ça. Parce que je me disais, justement, cette promiscuité qu'on demande aux enfants. Moi, je le vois une fois par année, tu voudrais qu'ils s'assoient sur moi? Non. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui ont peur aussi. Oui, voilà. Vous êtes imposant, là. Avant l'âge de 4 ans, comprendre le concept d'abord que la Terre est ronde et qu'un vieux monsieur fait le tour pour donner des cadeaux, déjà, ce concept-là, c'est pas de l'acquis. Non, avant 4 ans. C'est abstrait. Weird. C'est weird. Oh, hein, on se comprend. Oui. C'est abstrait. Ça ne veut absolument rien dire. Freak. Effectivement. Donc, il faut une autre approche. Alors, donc, je dis au papa et aux mamans, patience, on n'est pas là que pour la photo. Ouais. Ne me l'emmène pas pour la photo. Ne sois pas avec moi pour la photo. Alors là, de loin, il y a un enfant de l'autre côté de la clôture du royaume qui est avec son papa. Évidemment, je suis le Père Noël, alors je sais parler dans plusieurs langues. Hein? Ben oui. Alors, j'entends, et c'est du grec. Et là, je me tourne, je dis, Kala Christou Yena Christophe. Parce que Kala Christouena, ça veut dire Joyeux Noël en grec. En grec, à Christophe. Père Noël est polyglotte. Mais bien sûr, connaît toutes les langues. Ben, je le sais bien, il fait le tour. Mais du vieux grec. Le vieux grec, c'est le plus facile à apprendre. Ben oui, ouais. Surtout le vieux. Oui, surtout l'ancien. L'ancien. L'aramé. Hein. Il est toujours comme ça. Hein. Oui. Non, mais excusez-moi, on s'est rendu. Parlez-vous le latin aussi? Le latin? Oui, mais le roumain. Tu veux dire Joyeux Noël en roumain? Oui, j'ai toujours voulu. Mon nom, c'est Moș Crăciun. Moș Crăciun. Ça, c'est mon nom en roumain. Ah oui? Ouais, puis pour dire Joyeux Noël en roumain, on dit Crăciun Fericit. Crăciun Fericit. Fericit. En philippin, Maligayan Pasco. Marie-Gaillane Pasco, ça a l'air d'une actrice, le nom d'une actrice française. Ben, on ou le croit? Pasco de la radio. Ou là, Pierre. Pasco, oui, qu'est-ce qui arrive avec Pierre? Il vieillit, Pierre. Hein? Ben, je pense qu'il est mort. Je ne sais pas. Il y a aussi en hongrois. Ah. Oui, en hongrois. Bulldog Caraccioni Onipeket. OK, c'est vraiment une vocation solide. Voilà. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon... Est-ce qu'il y a des qualités? Ça prend un timbre de voix particulier? Un timbre de voix? Un coffre? Oui, c'est sûr. C'est vrai, Simon Bouliris ne pourrait pas devenir... Une joie de vivre. Il faut que ce soit... Tout passe par le sourire. Ben oui. D'ailleurs, il faudrait bien que je vous entende. J'aurais peut-être besoin de quelques assistants un jour, on ne sait jamais. Vas-y avec ton rire. C'est peut-être plus haut que... Peut-être qu'il faudrait que je travaille plus le haut que là. Mais moi, non. Moi, je suis plus un grincheux. Grinch. merci infiniment, Nicolas Noël. Joyeux Noël! Il s'en va dans le ciel. Il a fait son propre fade-out. Il a fait mon coffre. Ouais. As-tu vu le film Joyeux... Est-ce que c'était Joyeux Noël? Tu sais, le film... Non, je ne l'ai pas vu, ce film-là. C'est ça. Mais j'en ai entendu parler aussi. Oui, pendant la Première Guerre. C'est ça, les Allemands contre des Français, en tranchée, comme ça, font une trêve de 24 heures le jour de Noël, qui se décrètent eux-mêmes. L'un, entre eux, ils une se disent, armée face à l'autre. Dessus. Comprends-tu un break? Mon Dieu, c'est bon. Beau, hein, quand même. Et dans le livre, au bonheur des lettres, on en a lu l'année passée. Oh, que j'aime ce livre! Alors, c'est Sean Usher, qui vient de l'auteur, qui vient de... De sortir un deuxième? De, oui, Au bonheur des lettres 2. Et dans le il y a la lettre qui a donné naissance à l'idée de faire un film de cette histoire-là. Ah, c'est oui. un caporal français et il a écrit à sa femme pour raconter ça. Alors, il a écrit une lettre à sa femme le 24 décembre 1914. « Je viens tout juste de vivre la scène la plus extraordinaire à imaginer. Ce soir est celui de la veillée de Noël et je suis allé aux tranchées pour y faire ma tournée de garde. Le tir était incessant et les mitraillettes de l'ennemi frappaient avec force, faisant feu sur nous. Puis, vers 7 heures, la canarde a cessé. J'étais dans mon abri de tranchées en train de lire le journal. On distribuait le courrier. On a annoncé que les Allemands avaient éclairé le haut de leurs tranchées tout le long du front commun. Il y avait un moment que déjà nous avions des échanges, vœux de Noël ou autre. Je suis sorti. Ils ont crié « pas de tir ». Et alors, je ne sais comment, les lieux sont devenus paisibles. Tous nos hommes ont quitté leurs tranchées pour s'asseoir sur le parapet. Les Allemands les ont imités et ils se sont mis à se parler, les uns les autres, en bon anglais ou en charabia. Je suis monté au sommet de la tranchée et en allemand, je leur ai demandé d'entonner un chant, ce qu'ils ont fait. Après quoi, nos hommes ont eux-mêmes très bien chanté et chaque camp s'est mis à applaudir chaleureusement l'autre. Mais c'est donc bien beau, ça. J'ai prié un Allemand qui venait de chanter un solo de nous fredonner un air de Schumann qu'il a splendidement interprété. Nos hommes formaient un bon public et ont pris un grand plaisir à l'écouter. Pope et moi, ça devait être son ami, Pope et moi avons ensuite franchi la ligne et conversé avec l'officier allemand au commandement. L'un de ces hommes a fait les présentations dans les règles. Il m'a demandé mon nom avant de m'introduire auprès de son commandant. J'ai accordé à celui-ci la permission d'enterrer les Allemands morts qui gisent entre les camps. Et nous sommes convenus de cesser le feu jusqu'à demain minuit. Pendant que nous parlions, une dizaine d'Allemands s'étaient rassemblés autour de nous. J'étais à moins d'un mètre de leur ligne. Nous nous sommes salués. Il m'a remercié de lui permettre d'enterrer ses morts. Nous avons fixé le nombre d'hommes qui s'en chargeraient et décidé que, hormis cela, chaque côté resterait dans ses tranchées. Puis nous nous sommes mutuellement souhaité la bonne nuit, un bon repos et un joyeux Noël avant de nous séparer et de nous saluer. Je suis rentré à la tranchée. Les Allemands chantaient « Die Wacht am Rhein ». C'était remarquable. C'est un chant. Ah oui, c'est un chant. Après quoi, nos hommes ont très bien entonné « Christian Awake ». C'était formidable. Et avec des vœux de bonne nuit, nous sommes tous retournés à nos tranchées. C'était une scène insolite par une plaisante nuit de clair de lune, les tranchées allemandes éclairées de loupiottes et les hommes des deux camps rassemblés en groupe sur les parapets. L'officier avec qui j'ai discuté espère que nous ferons de même au jour de l'an. J'ai répondu « Oui, si je suis là ». Eh, Seigneur! J'ai éprouvé le désir de m'installer pour écrire l'histoire de cette veille de Noël avant d'aller m'allonger. Comme il est étrange de penser que demain soir, à nouveau, nous nous serons tous impitoyables les uns envers les autres. Ce Noël restera gravé dans la mémoire de ceux qui sortiront de ce cirque. L'Allemand qui chantait avait une très belle voix. Mon amour, je sors faire le tour des tranchées pour m'assurer que tout va bien. Bonne nuit. C'est-tu assez charmant? C'est extraordinaire. Oui. Je comprends que ça donne l'idée de faire un film. Ça devait être un moment... C'est extraordinaire, ouais. Mais... Hey, on essaie d'imaginer la suite, là. Ouais. Tu sais, tu crées des liens avec des gens, tu fumes une cigarette, tu parles, puis le lendemain, tu tires dessus. Ouais. Alors que tu veux pas ça. Non. Puis t'es obligé. Pis les gens qui t'y obligent seront jamais au front. Jamais. C'était le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. À la recherche, Maude Paquette. À la technique, Dominique Beaudoin et Patrick Knoop. Les musiciens, Joseph Marchand, Samuel Joly et Philippe Brault. Adjointe à la réalisation, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez. Cette émission est signée Francis Legault.